Audiomatique. La transmission 316 d'Audiomatique s'ouvrait sur la musique de My Brightest Diamond menée par l'artiste Shara Warden de l'album A Thousand Shark Teeth paru en 2008. Nous écoutions la pièce The Ice and the Storm. Les sonoristes ne veulent surtout pas briser le rythme de cette transmission d'Audiomatique. Nous y allons donc avec un groupe anglais qui n'a pas fait paraître de nouvel album depuis plus de 12 ans. Voici Portishead. So where does my home? Nous avions droit à Audiomatic, à la musique de l'artiste allemand Ulrich Schnoss, qui nous interprétait sa composition A Forgotten Birthday, extraite de son album A Long Way to Fall, paru en 2013. Et pour débuter, il s'agissait bien sûr du groupe Portishead et la chanson Undenied de son deuxième album qui est homonyme et qui a été lancé en 1997. C'est sur la musique de la formation Mouse on the Keys que se poursuit Audiomatic. We'll be right back. do now, something that has nothing to do with an arranged piece of music, piece of music, piece of music, piece of music, piece of music, piece of music. We'll be right back. À Audiomatic, cette séquence de deux pièces se conclurait sur une longue composition de DJ Spooky That Subliminal Kid, soit la pièce titre de l'album Optometry. Sur cet album, DJ Spooky appuie ses compositions sur un quatuor mené par le pianiste Matthew Shipp, en plus de compter sur différents invités, notamment Billy Martin de la formation Medeski Martin & Wood, qui justement a créé les beats sur la pièce que nous avons entendue. Également sur cette même pièce, on entendait le violoniste Daniel Bernard Roumain. Avant DJ Spooky, nous entendions la formation japonaise Mouse on the Keys et la pièce The Lonely Crowd apparaissant sur leur album The Flower of Romance, paru en 2015. Poursuivons à Audiomatic avec la musique de la formation Cranes. Shine. Pour conclure ce bloc musical à Audiomatique, nous entendions le groupe écossais The Jesus and Mary Chain et la chanson Take It de leur troisième album Automatic, sorti en 1989. Tout juste avant, le groupe canadien Decree nous présentait sa pièce Forced Wide Open, tirée de son deuxième album Moment of Silence, qui a vu le jour en 2004. Et pour amorcer le tout, c'était le groupe anglais Cranes et la chanson Adrift, de ce que l'on considère comme étant leur troisième album, Forever, dont le titre provient d'une pièce de la formation The Cure qui est spécialement réservée à la scène. Cette transmission d'Audiomatique se terminera sur un retour dans les années 70 avec la pièce Angle Terrenal composée par Ranil et su Conjunto Tropical. Cette pièce se trouve sur le deuxième album Cumbia del Torero, mais également sur l'anthologie homonyme de Ranil y su Conjunto Tropical, paru en 2019 sur l'étiquette de disque Analog Africa. Soulignons au passage que le leader du groupe, Raúl Llerena Vázquez, alias Ranil, est récemment décédé de la COVID-19 à l'âge de 74 ans dans sa ville natale de Iquitos, dans l'Amazonie péruvienne. Avant de vous quitter, les sonoristes tiennent à vous rappeler qu'ils seront présents en direct sur les ondes de C'est fou 89.1 FM mercredi prochain dès 17h pour l'animation de la transmission 317 d'Audiomatique. Nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique sont toujours là pour assouvir vos oreilles si jamais vous ne pouvez pas écouter l'émission en direct. Voici donc pour terminer Ranil y su Conjunto Tropical et la pièce Angel Terrenal. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Y a la dicha.